Cette signalisation d'indication s'adresse aux conducteurs de poids lourds et de caravanes. Cela ne veut pas dire que le danger annoncé plus loin ne me concerne pas si je tracte une remorque. En effet, dans la forte descente annoncée, plus la masse est importante, plus le véhicule sera difficile à maîtriser. Je dois donc ralentir si je tracte une caravane ou une remorque chargée. Réponse A et C.